An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'affaire Vaché, une horreur. Des crimes avec des mutilations et des viols post-mortem à la fin du 19e siècle. Et puis, que quelques années plus tôt en Angleterre, d'autres crimes abominables ont défrayé la chronique. Un surnom est tout trouvé, Jacques l'éventreur du Sud-Est. Est-il possible de réunir les archives d'un tueur en série ? Bien oui, en compilant les documents produits par le criminel. Quand il écrit, les documents de médecine légale, ceux de la justice, énormes, gigantesques, c'est un constat d'horreur à lire la froideur de ces vies ôtées. Et dans les archives, il y a un film. Ce film est Le juge et l'assassin. Le juge, l'assassin, le réalisateur et l'historien. Marc Renneville, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Marc Renneville, vous êtes spécialiste de cette histoire de Vaché. Vaché l'éventreur, vous publiez Archives d'un tueur. Vous avez publié cet ouvrage aux éditions Jérôme Millon, un ouvrage mais imposant. Quand je dis imposant, c'est quelque chose d'assez considérable. Expliquez-nous ce qu'est ce projet fou. Ah, c'était un projet a priori simple au départ. On devait... avec Jean-Jacques Courtine, réédité le livre d'Alexandre Lacassagne, qu'il avait produit juste après l'exécution de Joseph Vaché, qui s'appelait Vaché, l'éventreur et les crimes sadiques. Et ce livre était déjà en soi une archive, et je devais simplement faire la préface. Et puis, comme tout historien, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller jeter tout de même un coup d'œil aux vraies archives. Et puis, de coup d'œil en coup d'œil, j'ai découvert une autre affaire que celle que j'avais appris à connaître, notamment à travers le film « Le juge et l'assassin ». Oui, hein, vous évoquez Lacassagne, ce médecin légiste. Donc, nous sommes fin du 19e et puis là, sa carrière qui continue au début du 20e. Et ce moment très particulier de l'affaire Vaché. L'affaire Vaché, il faut rappeler en quelques mots combien elle a pu effrayer la France dans les années 1890. Oui, effectivement, c'est en fait cette affaire, c'est un peu une affaire de mémoire à tiroir, parce que on se souvient tous maintenant de l'affaire à travers le film, mais au moment même de l'affaire Vaché qui est longtemps une affaire sans son nom, en fait, parce que les crimes commis par Vaché s'étendent entre 1893 et 1897, au moment de son arrestation, et de 1893 à 1897, son nom ne sort jamais dans la presse, tout simplement parce qu'il n'est pas arrêté ni soupçonné. Et les crimes, donc, de l'affaire devient vraiment connue à partir de cette date, 1897, et Vaché fait l'objet d'une instruction judiciaire, d'un procès en 1898, et est exécuté le 31 décembre 1898. Donc on voit que finalement, c'est une durée relativement brève, moins de 2 ans, durant lesquels on parle de cette affaire, mais elle a un énorme écho, comme vous l'avez dit, en raison de la nature des crimes commis, puisque ce sont des assassinats de jeunes bergers, de jeunes bergères, à l'exception d'une personne âgée qu'il tue également en passant par la Savoie. Et surtout, il les mutile affreusement, il les égorge. Et comme à cette époque, il est vagabond c'est un excellent marcheur, eh bien, il se déplace très vite d'un ressort judiciaire à l'autre et on a beaucoup de mal à l'attraper. Vous évoquez cette horreur, hein, Marc Renneville, dans Vaché l'éventreur, archives d'un tueur en série aux éditions Jérôme Millon, il y a les rapports des experts. C'est absolument glaçant de lire la froideur du rapport et puis d'imaginer l'horreur de la scène. C'est-à-dire que nous avons ici, avec Vacher, comme un concentré de l'horreur. Il n'y a pas que le meurtre, il y a la mutilation, il y a le viol post-mortem. C'est quelque chose qui nous sidère aujourd'hui. Et donc j'imagine que sur l'enquête elle-même, il y avait quelque chose qui a perturbé les contemporains de Vacher. Oui, on peut dire des contemporains et même les historiens qui travaillent dessus finalement. On ne travaille pas impunément sur ces sujets-là et la difficulté est précisément de mettre un petit peu à distance cet effet de sidération qui nous saisit également et de trouver la bonne posture qui soit ni celle de la réparation pour les victimes parce qu'elle est évidemment impossible, ni celle de l'accusation ou de la posture morale sur Vacher, mais d'essayer de comprendre justement ce qui s'est passé. Ça te met dans le passage à l'acte, même si l'historien n'est pas criminologue, mais aussi, comme vous le dites, dans la réception de ces crimes et dans leur gestion, puisque finalement, avant que Vacher soit arrêté, on a 10 enquêtes, puisqu'il a commis 10 assassinats sans qu'on le soupçonne, et 10 enquêtes où on va avoir notamment des accusés à tort. Et on a des rumeurs publiques qui se mettent en place, des personnes qui sont injustement accusées, on peut dire persécutées, qui perdent leur emploi, qui parfois sont obligées de déménager. Et j'ai été assez étonné justement de cet aspect de l'affaire qui ne ressortait pas beaucoup, si ce n'est dans les écrits du juge Fourquet dont on parlera certainement tout à l'heure. Bien, nous allons en parler tout de suite parce qu'il arrive. Voici monsieur le juge. Oh, écoute, arrête de marcher, tu me donnes le tournis. Enfin, ça fait 3 semaines qu'il est ici, je me demande ce que tu attends pour le montrer à tes témoins. Oh, maman! Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus bête qu'un témoin? Hein? De plus mou, de plus ignare, de plus borné, là? Même s'ils le reconnaissent, je n'arriverai pas à les croire. Non, puis de toute manière, je veux qu'il avoue de lui-même. Ah, tu as sommeil, hein, maintenant? Non, reste. Mais tu pourras pas le garder indéfiniment. Je peux le garder autant que je veux. C'est un cheminot. Et sans avocat, même. Qu'est-ce que je trouve n'importe quoi, une idée, un moyen de le faire parler, parce qu'il me les faut, ses aveux. Sinon, je peux même pas le renvoyer devant la chambre des mises en accusation. Quel beau métier tu fais, mon grand. Ah, la chasse à l'homme. Le rêve de toute ma vie. Tu sais, ça peut avoir autant de retentissement que le procès de ce Dreyfus. Dans le film, le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, c'est Philippe Noiret qui joue le juge Rousseau, en l'occurrence Rousseau, ce ne sont pas les vrais noms qui ont été conservés, avec cette scène de cinéma mais admirable, où c'est la maman du juge qui lit l'ensemble des crimes, et il parle à sa maman tout le temps. Le personnage de ce juge, alors Rousseau dans le film et Fourquet dans la réalité, est quelqu'un qui a attirer l'attention. Aujourd'hui, bien sûr, il nous ravit parce que nous y voyons le début de l'enquête telle qu'elle est présentée dans les séries télévisées, le profilage, etc. Mais déjà, à la fin du 19e siècle, ce juge-là attirait l'attention. Ah oui, c'est sûr. Et puis là, il est vraiment savoureux avec Philippe Noiret qui l'interprète. Simplement, le juge Rousseau, tel qu'il est dans le film, est bien le juge Rousseau. Hein. Ça n'est pas le juge Fourquet. La seule parole qui soit authentique dans l'extrait qu'on a entendu, c'est la chasse à l'homme, le rêve de toute une vie. Mais le reste, la relation avec sa petite maman, les cerises à l'eau de vie, etc., ce sont vraiment des ajouts que l'on doit au génie de Bertrand Tavernier, qui sont liés au fait que c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de mémoire à tiroir. À chaque fois que l'on évoque l'affaire Vacher, on parle bien sûr de l'affaire, mais on parle aussi, on est imprégné de son époque, on parle de son temps. Et Bertrand Tavernier, quand il fait ce film, il parle aussi quelque part des années 70, de sa position par rapport à la magistrature et de ce qu'il pense d'un juge qu'il peint et qu'il repeint, je dirais même plutôt en juge bourgeois, proche de sa mère qui joue le rôle de greffière, qui n'est évidemment pas le cas. Et le vrai juge est peut-être, c'est pas du tout une critique, c'est pour dire ce personnage est un magnifique personnage de fiction, mais le vrai juge authentique qui a été un peu passé de côté, à la trappe, est très intéressant aussi, parce qu'en fait ce n'est pas un juge bourgeois, il ne vit pas avec sa maman. Donc il s'appelle Émile Fourquet, il est né en 1862 dans le Doubs. Il fait ses études à Paris, il est issu d'une famille plutôt d'agriculteurs que de bourgeois. Il travaille d'ailleurs pour faire ses études à Paris. Et puis débute sa carrière de magistrat en 1890 comme juge suppléant à Saint-Claude, dans le Jura. Et puis il est ensuite nommé à Besançon, à Ambert et enfin à Belley. Et non pas à Privas, comme on le voit dans le film, même si l'Ardèche a joué un rôle très important. Et ce juge est un juge de sensibilité. Bon, bien sûr, il est plutôt conservateur. Il a eu une brève carrière politique également. Mais c'est pas un grand, je dirais, c'est pas un grand juge lorsqu'il arrive à Belley, là où il va découvrir l'affaire Vaché grâce à son procureur. Et je dois préciser aussi que l'extraordinaire procureur qui est joué par Jean-Claude Brialy n'a pas de correspondant dans la réalité de l'enquête. Ce qui s'est passé, c'est que Bertrand Tavernier, en fait, le disait dans les entretiens qu'il donnait sur ce film, s'est inspiré des mémoires du juge Fourquet. Et le juge Fourquet, je dirais, avait produit un livre en 1930, donc bien après l'affaire, qui était vraiment un livre de mémoire et qui était quasiment à Maigret, où il donnait le beau rôle, il donnait le rôle de Maigret, mais un petit peu à la manière de Simenon, c'est-à-dire qui expliquait que pour faire une enquête, pour raconter une enquête, il faut beaucoup simplifier les choses, il faut enlever au moins les trois quarts des personnes qui ont participé, et c'est ce qu'avait fait le juge. Donc la réalité, quand on la regarde dans les archives, est beaucoup plus complexe, intéressante, et le juge Fourquet, quand il arrive à Ambert, donc en avril 1893, ne connaît rien de l'affaire Vaché. C'est son procureur qui va lui dire que une affaire en cours qui s'est passée à Courzieux-la-Giraudière, qui est donc dans le département du Rhône, qui n'est pas de son ressort, ressemble à une affaire qui a eu lieu dans son propre ressort en 1895. Et là, il y a une sorte de concurrence des juridictions. Et plutôt que d'aider le collègue juge d'instruction dans le Rhône, qui est très connu, lui, par contre, eh bien, le petit tribunal de Belley va essayer de reprendre l'affaire à son compte, l'affaire de Victor Portalier, et le procureur va dire au juge, allez-y, foncez, et essayez de retrouver cette personne. Oui, c'est ce qui est formidable dans le film de Bertrand Tavernier, dans vos travaux aussi, Marc Renneville, c'est de voir combien il y a des bras de fer permanents entre ce juge et puis l'ensemble de la magistrature, entre ce juge et puis l'assassin, un jeu sans cesse de discussion. Marc Renneville, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes fondateur de la formidable plateforme Criminocorpus, qu'on peut aller voir sur Internet. Et puis, vous publiez L'Aliéniste, le juge et le tueur en série dans le dernier numéro de l'Histoire, notre magazine partenaire. Justement, dans ces études que vous accordez sur cette affaire Vaché, il y a tout un aspect qui est formidable, celui des complaintes. Et d'ailleurs, vous allez publier cette réflexion autour des complaintes, hein, le champ des crimes, vous voyez, je me fais avoir, le titre est très beau, les complaintes de l'affaire Vaché. Elles sont essentielles, ces complaintes aussi, pour porter un regard, une lecture différente sur cette affaire. Ah oui, les complaintes sont très intéressantes parce que il me semble que c'est à peu près le seul moyen que l'historien ait de retrouver l'émotion populaire suscitée par ces grandes affaires. Parce que on a une ampleur, une inflation de discours évidemment dans la presse écrite, dans la presse populaire, mais on ne sait pas finalement comment les populations et notamment des campagnes recevaient ces affaires et notamment les populations illettrées. Or, à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la complainte, qui est un genre chanté, permet d'appréhender ces affaires, et c'est une sorte de média avant l'heure, puisque il y a un écho direct, hein, la complainte ne se fait au moment même de l'affaire Vaché, elle est modifiée, les couplets sont modifiés au fur et à mesure que l'enquête avance, et surtout ce que l'on découvre, c'est que le discours porté par la population, qui est bien sûr un discours d'horreur, de mise en scène de Vaché comme étant une sorte de loup-garou des légendes, comme c'est dit dans l'une d'elles, eh bien, elle nomme aussi les victimes. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au moment au procès de Vaché, il n'y aura pas de partie civile. Elles sont représentées d'une certaine manière par le parquet et l'avocat général qui porte la parole de la société. Mais dans les complaintes, les victimes sont nommées, les lieux sont nommés également, et on voit bien que la population, évidemment, est très attachée à cette mémoire des victimes et au crime qui s'est passé souvent près de chez eux. Eh bien, c'est un élément qui montre la grande connaissance de Tavernier sur l'histoire quand, dans son film, le juge est l'assassin. Il laisse également une place aux complaintes. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier l'éventreur. Bouvier est bien de cette engeance de trimardeurs de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux. Bonne gens, faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. En attendant que les geôliers veillent nuit et jour sur Bouvier. Dans le film de Tavernier, le juge et l'assassin, Bouvier est le nom de l'assassin, Vaché dans la réalité. Cette complainte de Bouvier nous laisse perplexes si nous nous projetons dans nos jours et nous n'imaginerions pas aujourd'hui une chanson fournirait, mais de ce type-là. Dites-nous, Marc Renneville, quelle place avaient ces complaintes, quelle utilité même? L'utilité, c'est d'informer, et c'est souvent d'informer au plus près du lieu où s'est passée l'action. On remarque que les complaintes, j'en ai repéré un petit peu moins d'une vingtaine, sont souvent produites au moment où il y a un assassinat qui a été commis. Mais si on leur cherche une utilité sociale, c'est surtout de réinscrire l'inacceptable, l'abominable dans une forme racontée, qui elle est bien connue, qui est la complainte, effectivement, qui a des sortes de passages obligés, c'est-à-dire que lorsqu'une complainte est faite sur un nouveau crime, le criminel est toujours le plus grand criminel de tous les temps, et ce sera le cas de Vaché, mais ça ne durera pas longtemps, jusqu'à la complainte suivante sur un autre crime. Et puis c'est aussi un moyen d'en appeler à la justice, et sinon de se rassurer, du moins, comme je le dis, de la mettre dans un discours qui soit acceptable par la population, qui très souvent d'ailleurs reprend la complainte, puisque elles sont chantées sur des airs extrêmement connus, très peu variés. On a principalement l'air de Fualdès et puis l'air du Juif errant. Mais là, évidemment, on est sur une complainte hommage, c'est-à-dire qu'on reconnaît la générosité de Bertrand Tavernier, qui a fait appel à Jean-Roger Cossimon, qui interprète sa complainte sur la musique magnifique de Philippe Sard. Et cette complainte est une forme d'hommage, finalement, aux auteurs souvent, très souvent anonymes qui composaient les complaintes au XIXe siècle et au début du XXe. Dans vos archives d'un tueur en série, Marc Renneville, évidemment, ces complaintes sont présentes. Documents historiques et maintenant reconnus sans souci, tous ces documents, tout fait histoire, bien sûr. Pendant longtemps, pour étudier une affaire comme celle-là, eh bien, il fallait aller voir les comptes rendus alors de médecine ou tout ce qui est compte rendu de procès. Et pour l'affaire Vaché, il y a eu énormément d'écrits parce qu'il y a eu débat entre les juges et les médecins. Ah oui, c'est une partie importante de l'affaire Vaché, parce que Joseph Vaché, donc en 1893, espère se marier, on le voit très bien dans le film, avec une personne qui lui refuse le mariage. Et donc il tente de l'assassiner, il ne la tue pas, il retourne l'arme contre lui, il l'applique contre sa tempe droite et il tire au moins deux fois, et il en garde une balle dans l'oreille. Donc à la suite de cette tentative d'assassinat, il était à ce moment-là sergent dans l'armée, il est réformé de l'armée, il est poursuivi mais il fait l'objet d'un ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'on estime qu'il est atteint d'aliénation mentale, il est enfermé dans un asile, d'abord à Dole, le lieu de son crime, puis ensuite transféré dans son département de naissance, l'Isère, à l'asile de Saint-Robert, où, dit-il, il est beaucoup mieux pris en charge, tant et si bien qu'il en sort avec un certificat de complète guérison le 1er avril 1894. Et c'est moins de deux mois après qu'il commet son premier assassinat. Donc lorsqu'il est arrêté en 1897, la première question qui se pose, c'est de savoir si cette personne était effectivement parfaitement responsable de ses actes ou folle. Et là, moi, j'avoue que je me suis trompé très longtemps en pensant que Vaché avait cherché effectivement à se faire reconnaître comme étant fou. Et à force de le lire, de le relire et de lire aussi ce qu'écrivait le juge, qui n'est pas du tout, au moment de l'enquête, ce qu'il pensait en 1930 quand il écrit son livre, parce que le juge a d'abord cru que Vachet était fou, eh bien Vachet n'a jamais cherché à faire reconnaître sa folie. Et ça, c'est vraiment pour moi une découverte. Il a cherché à faire reconnaître son innocence, ce qui est très différent dans son langage, qui est très imprégné de mystique religieuse, très personnelle d'ailleurs, où il pense que finalement, quand il a tenté de se tuer, s'il a survécu, c'est que Dieu avait un autre dessein pour lui. Et donc, il est innocent au sens où il est ignorant de ce qu'il fait. Et il est par ailleurs malade parce qu'il a été mordu par un chien enragé quand il était jeune. Donc, il est irresponsable, mais pas du tout en raison d'un état de folie. Il dit ce qui relève de Dieu ne relève point de la folie. Parce que toutes ces considérations s'inscrivent dans des vrais débats, des vraies polémiques sur la responsabilité pénale du fou. C'est quelque chose qui draine la fin du 19e siècle, au moins depuis les années 1840. Enfin, il y a les études de Michel Foucault sur Pierre Rivière, sur « Est-il fou, n'est-il pas fou ?» Et puis, ce qu'il y a à la fin du 19e siècle avec l'affaire Vachet, ce sont toujours ces mêmes questionnements. Condamner un fou, oui, non. Et puis, si on ne condamne pas un fou, au moins, faut-il savoir s'il est fou ou pas ? Exactement. En fait, quand on travaille sur une affaire judiciaire comme ça, on a la tentation, évidemment, de rester fixé sur l'échelle du temps de l'affaire. En réalité, il faut faire varier les échelles. Et là, typiquement, sur cette question de la folie et de la responsabilité pénale, il faut largement étendre le compas du temps pour remonter au début du XIXe siècle, où se cristallise justement la question de la responsabilité pénale des aliénés, à travers notamment l'émergence de ce qu'on peut appeler la psychiatrie moderne, pour le dire très rapidement avec des termes globalement anachroniques, mais où on voit se dessiner autour des années 1830, et notamment effectivement avec l'affaire Pierre Rivière, qui se passe du côté de Courvaudon, une région que vous connaissez bien, Xavier. C'est la Normandie. Eh bien, on est sur la Normandie, effectivement. Et à l'occasion de cette affaire, on voit poindre, avec d'autres affaires aussi, des affaires qu'on appelle de crimes sans motif, c'est-à-dire des crimes particulièrement odieux ou abominables, des affaires d'anthropophagie ou d'assassinat de proches, qu'on considère comme étant sans motif. On voit apparaître l'idée chez certains aliénistes et même chez certains magistrats de crimes sans motif et donc de sorte de folie qui pousserait à certains types de crimes. Et les médecins qui prônent cette position dans les années 1830 défendent aussi l'irresponsabilité totale de ces personnes. Et il y a un grand débat très âpre, sur le fait que s'ils sont effectivement irresponsables, ça veut dire que les crimes les plus abominables seraient aussi les plus excusables, et donc ça paraît assez paradoxal. Et quand on est à la fin du XIXe siècle, au moment où l'affaire Vachet éclate, eh bien la position des médecins experts est très différente. Et comme le dira Alexandre Lacassagne dans son rapport d'expertise, il y aura cette phrase que je trouve extrêmement claire, « Nous n'avons pas à donner des brevets d'impunité aux criminels. » C'est-à-dire que lorsqu'on commet notre expertise, nous ne sommes pas là forcément pour irresponsabiliser ce type de personnage. Une réflexion sur le temps long, effectivement, de la part des juges et des médecins sur ce criminel en série. Nous avons évoqué Pierre Rivière, donc ce Normand qui, dans les années 1840, a tué toute sa famille, une étude de Michel Foucault. Et Michel Foucault s'était appuyé sur des écrits de Pierre Rivière, le criminel. Et bien là aussi, avec Vachet, il existe des écrits. À la France. Tant pis pour vous si vous me croyez responsable. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié pour vous. Si j'ai conservé le secret de mes malheurs, c'est que je le croyais dans l'intérêt général. Mais vu que peut-être je me trompe, je viens vous faire savoir toute la vérité. Oui, c'est moi qui ai commis tous les crimes que vous m'avez reprochés. Et cela dans des moments de rage. Comme je l'ai dit à monsieur le docteur chargé du service médical à la prison de Belfort, j'ai été mordu par un chien enragé, vers l'âge de 7 ou 8 ans, mais dont je ne suis pas sûr moi-même, bien que cependant je me souviens très bien d'avoir pris des remèdes pour cet effet. Mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures. Pour moi, j'ai toujours cru depuis que j'ai dû réfléchir à cet événement que ce sont les remèdes qui m'ont vicié le sang. À moins que réellement ce chien m'ait mordu. Une lettre du 7 octobre 1897, écrite par Vachet, le criminel, une lecture d'Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture. Marc Renneville, Vous avez toutes les archives. L'historien dispose de toutes les archives. C'est assez même perturbant sur une affaire comme celle-ci, archives d'un tueur en série, parce qu'il y a les archives de la justice, de la médecine. Le criminel lui-même écrit et puis il y a la presse, tous les commentaires et les complaintes. Malgré tout cela, nous ne savons rien de ce qui s'est passé. En fait, l'historien peut juste étudier les débats autour de ce crime. Alors, déjà, il y a beaucoup d'archives, ça c'est vrai, mais je ne crois pas qu'on ait toutes les archives, car après la publication de mon premier livre sur Vacher, sur les archives, j'ai reçu une ou deux lettres encore de Vacher qui avaient été conservées dans des familles, et notamment une que m'a retrouvée un étudiant devenu maintenant docteur, Amos Rapa, dans les archives municipales de Lyon, qui est une lettre la première lettre qu'on connaît de Vacher, juste après sa tentative d'assassinat sur Louise Baran. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même abondance d'archives dans l'affaire Vacher, et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'on ne les ait pas rassemblées plus tôt, parce qu'en les rassemblant, en les confrontant, on arrive tout de même à pister Vacher de très très près, à connaître ses pensées. On l'a entendu, là, Vacher est peut-être un monstre, mais c'est une catégorie qu'il faut démonter. C'est un monstre qui réfléchit, c'est un monstre qui a des sentiments, qui a des émotions, et qui les écrit en plus, et qui n'hésite pas à écrire au juge, qui s'adresse à la France, qui s'adresse à ses experts. Mais malgré tout, effectivement, au bout du compte, même si on est historien, la question du passage à l'acte se pose, et on se demande comment, pourquoi. Et là, on n'a pas vraiment de réponse. D'ailleurs, si on se fie aux experts de l'époque, ils n'ont si peu de réponses qu'au moment de la décapitation de Vacher, ils en récupèrent le corps, ils récupèrent le cerveau notamment, ils le coupent en deux, ils font 12 tranches qu'ils donnent à 12 médecins différents, et les résultats sont assez peu probants. Et aujourd'hui encore, je pense que Vacher est un cas criminologique qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Oui, des archives en plus qui intéressent l'historien, l'historienne, bien sûr. Ces archives publiées par Jérôme Millon qui permet aussi aux lecteurs d'entrer dans ces complexités de ce qu'on appelle un fait divers, mais qui en réalité est un phénomène de société, ce Vacher l'éventreur. Ce Vacher l'éventreur qui est chanté en complainte. Vous nous disiez à Marc Renville que ces complaintes donnaient l'actualité. La voici. Mais la justice qui veille s'empara du bandit. Il va subir la peine, mettant fin à la vie. D'un lâche, d'un assassin, d'un horrible gredin. Les familles des victimes peuvent se réjouir maintenant que ces terribles crimes ont reçu châtiment. Vacher est condamné, vient d'être guillotiné. Vacher est condamné, vient d'être guillotiné. L'exécution du tueur de Berge est interprétée par Catherine Perry. Alors ça, c'était lors d'un colloque aux Archives nationales à Pierrefitte en 2019. Donc on peut retrouver ces captations sur votre site, Marc Renville. Ce site, c'est Crimino Corpus. Drôlement intéressant d'ailleurs d'entendre presque de manière nue là, comme les gens pouvaient apprendre l'exécution de Vacher. Vous nous avez dit que Vacher, évidemment, avait été un phénomène de société. Tout le monde parlait de Vacher. Une crainte que l'on peut inscrire dans des craintes du temps long. Nous sommes bien au-delà du fait divers. Oui, parce qu'en fait, la crainte de Vacher, c'est aussi la crainte finalement de la prédation sur des personnes a priori sans défense, que sont les jeunes bergers et les jeunes bergères qui mènent leurs troupeaux dans les pâturages et qui très souvent n'ont pas d'animal de compagnie ou de défense. C'est d'ailleurs un débat dans la presse. On dit, bah, plus les paysans, plutôt que de s'acheter des chiens de chasse pour faire les malins comme les aristocrates, il ferait mieux d'avoir des chiens de berger pour défendre leurs enfants. Et puis, c'est la crainte du croque-mitaine, du loup-garou. Enfin, ça s'inscrit vraiment aussi dans un folklore que l'on retrouve d'ailleurs dans les complaintes. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'approche sensible, d'essayer d'approcher la sensibilité des populations. Et la deuxième complainte que l'on a entendue, là, par Catherine Perrier, est beaucoup plus proche C'est une complainte authentique. Alors, elle est moins artistique, si on veut, que évidemment, que celle de Jean-Roger Caussimon. Mais elle est plus proche de la réalité. Et ce que j'ai proposé dans le deuxième petit livre que je prépare sur les complaintes, le champ des crimes, c'est de proposer les partitions, les paroles, et que finalement, le lecteur, par sa propre interprétation, puisse être saisi justement d'une partie, peut-être, de cette émotion qui touchait la population quand ces crimes survenaient. Et puis, dans votre analyse, Marc Renneville, et c'est notamment ce qui apparaît dans l'article que vous livrez au magazine L'Histoire, c'est que cette affaire Vacher, à la fin du 19e siècle, par l'attention portée à au meurtre de jeunes bergers, montre aussi un changement de perception du crime absolu. Jusqu'alors, c'était le parricide. Oui, tout à fait. Là, je fais aussi allusion en fait à une très belle étude de Sylvie Lapalu qui s'appelait La mort du vieux, qui est parue chez Talandier, qui était une histoire tout à fait remarquable du parricide au XIXe siècle, où elle montre très bien comment le parricide et le crime absolu, dont on ne parle quasiment pas d'ailleurs au début du XIXe siècle, c'est quand même le dernier crime qui, dans le code pénal, est susceptible d'un châtiment corporel avant l'exécution, l'ablation du point droit, jusqu'en 1832. Et Vacher, lui, tue des jeunes enfants, les massacre littéralement, et a des actes sexuels post-mortem dessus. Et on voit bien comment, finalement, il préfigure le monstre prédateur contemporain qui nous effraie encore de nos jours dans l'actualité, et donc que l'on a bien du mal d'ailleurs à analyser. Oui, et puis avec Vacher, faut dire que c'est très très dur de rester indifférent, parce que la sodomie post-mortem d'un jeune homme éventré avec tous les intestins à l'air, c'est très difficile à percevoir. Il y a 1000 moyens de traiter une telle affaire. Eh bien, Bertrand Tavernier l'a fait dans Le juge et l'assassin. Faut pas qu'on dise que l'histoire, que justement, c'est pas possible d'agresser à travers l'histoire. Puis il se trouve que l'histoire me passionne, et je trouve qu'on a été trop timide en France sur l'histoire. On a été un petit peu mesuré, et qu'il y a très peu de films historiques qui prennent des risques avec l'histoire. Et moi je trouve que c'est intéressant à faire, que c'est salutaire. Tout le personnage de Bouvier, les rapports entre la justice et la folie, la façon dont la justice et la médecine considèrent la folie, le personnage de Bouvier avec ses côtés pitoyables, cocasses, drôles et terribles, je trouve ça très impressionnant. Enfin, pour moi, c'est un personnage qui me touche profondément dans ce qu'il exprime et dans la manière et dans l'attitude. Il me semble que à partir de ce moment-là, avec le juge, c'était les deux personnages qu'on devait fouiller le plus. Laissez-nous. Comment vous sentez-vous ? Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu. Je suis un instrument qu'il a créé de ses mains en vue de desseins que nul n'a le droit de connaître. Oui. Dites-moi, dans la lettre que vous m'avez adressée... Non, mon juge, ce n'est pas à vous qu'elle est adressée. Hein? C'est à la France, c'est écrit en tête. Vous n'avez pas dû bien la lire. Elle est très claire. Oui, si vous voulez. Mais il y a encore beaucoup de choses que vous laissez dans l'ombre. Mon silence vous en dit plus long que ne le pourrait faire ma plume. Sans doute. Mais il faudrait maintenant quand même entrer dans le détail. Non, laissons de côté ces vilaines choses. C'est trop laid. Ah oui, c'est trop laid ça. Michel Galabru, Philippe Noiret dans le film de Bertrand Tavernier. Alors, bien sûr, Marc Renneville, il est difficile de se départir de ces images dès qu'on évoque l'affaire Vacher. Mais en regardant les archives d'un tueur en série, Vacher l'éventreur, que vous publiez avec un gros dossier iconographique d'ailleurs, nous nous rendons compte dans le film de Tavernier combien la reconstitution est précise. Il change des détails, bien sûr, et puis il y a un procédé narratif l'oblige à adapter un petit peu l'histoire. Mais il y a vraiment un travail qui est assez formidable pour les historiens, les historiennes, de pouvoir projeter son imaginaire sur de l'image. Ah oui, oui. C'est vraiment extraordinaire ce que fait Bertrand Tavernier. Moi, quand je lis et quand je lisais Vacher pour préparer cet ouvrage, j'entendais Michel Galabru, c'est évident. Le personnage de Bouvier est extrêmement réussi. Galabru incarne un Vacher en dépit des invraisemblances de correspondance, parce que Vacher était beaucoup plus jeune que Michel Galabru. Mes éditrices m'ont dit qu'il était a priori plutôt assez bel homme. Mais malgré tout, Galabru tient la corde, et ce que dit Bertrand Tavernier de l'histoire, évidemment, est démontré dans toute sa filmographie. C'était un allié des historiens, et quoi de mieux pour entrer dans l'histoire que de passer effectivement par l'image et par ses mémorations fictionnel extrêmement réussi. Et puis Tavernier, dans l'extrait que nous avons entendu, hein, c'était une archive de 1976, donc au moment de la sortie du film, disait qu'il a été touché par ce personnage de Vacher. Marc Renneville, vous êtes entré dans l'intimité vraiment absolue de cet homme, au sens où vous avez lu, énormément lu, sur lui, de lui. Comment le percevez-vous ? Sadique, fou, eh bien... dangereux ? Dangereux, oui, hein, dangereux, oui. Je n'ai pas d'avis définitif sur Vacher. Ce que je constate, c'est finalement rejoint une réflexion qu'avait Bertrand Tavernier, qui était à l'origine de son film, c'est que ce Joseph Vacher est passé par toutes les institutions du XIXe siècle. Il a d'abord été écolier, il a été ensuite agriculteur, il a été journalier, il a été frère mariste, au moins pendant 2 ans. Ensuite, il a été au service militaire, il est devenu sergent. Il a tenté de se marier, ça a échoué. Toute sa vie est une série de tentatives finalement d'insertion dans la société, suivies d'échecs. Et c'est ça qui est frappant chez Joseph Vacher. Joseph Vacher n'est pas un insurgé de naissance. C'est quelqu'un qui petit à petit se sent, peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais en tout cas se sent rejeté. Il est rejeté par les frères maristes, il est rejeté par l'armée, il est rejeté par l'école, il est rejeté par sa fiancée. Et c'est cette série de rejets, et de rejets de soi-même, puisqu'il y a une tentative de suicide, qui fait qu'à partir de cette tentative de suicide, qui est elle-même un échec, il y a une sorte de trajectoire qui est devenue une trajectoire totalement sanglante. Plutôt ça que je retiens. Cette trajectoire qui s'inscrit dans une histoire de la société, c'est aussi pour cela que c'est passionnant d'étudier cette affaire Vacher, parce que c'est l'histoire de la médecine légale, l'histoire de la justice, l'histoire de la psychanalyse aussi, puis l'histoire de la société. Il faut rappeler que dans le film de Tavernier, hein, la morale finale, c'est de rappeler que Vacher a été condamné pour 12 assassinats, mais que dans le même temps, ce sont des milliers et des milliers d'enfants qui mouraient dans les usines et dans les mines. Merci vivement à vous, Marc Renneville, de nous avoir parlé de Vacher l'éventreur, archives d'un tueur en série. Ça, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez chez Jérôme Millon. Donc, plein de pages, hein, mais un bonheur. Et puis, merci aussi de cet article, hein, que vous livrez dans l'histoire. Eh bien, nous restons toujours dans l'histoire, puisque nous allons retrouver Valérie Hanin, directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, tout de suite, pour nous parler du dernier numéro. C'est dans ce numéro-là qu'on trouve Vacher, vous savez, tueur en série. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. France Culture. Pardon ? Quand nous avons affaire à un serial killer. Le cours de l'histoire. À quoi ? Un serial killer. Xavier Mauduit. Hein ? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Alors, Valérie Hanin, bonjour. Bonjour, Xavier. Il n'est pas question dans le dernier numéro de l'histoire de la cité de la peur, mais des cités de la hanse. Mais qu'est-ce donc que cette chose ? Vous dites quelque chose, Valérie Hanin, je ne le savais pas. Vous commencez par prendre l'avion, la Lufthansa. Expliquez-nous. Et oui, parce que la hanse, c'est évidemment une histoire qui est un épisode très important de notre histoire européenne, mais ça a d'abord été considéré comme une histoire allemande. Et en témoigne ce que vous dites, Lufthansa, on prend l'avion sans penser que Lufthansa, c'est la hanse des airs. Et en effet, c'est très lié à l'histoire allemande qui s'est appropriée cette affaire très ancienne pour les constructeurs de la nation allemande au XIXe siècle. La hanse, ça ne faisait pas un pli, c'était la première expérience de la solidarité allemande et la preuve de l'ancienneté de la nation. Donc la compagnie aérienne, elle s'appelle Hansa, c'est-à-dire la Hanse. Alors pour les Français, c'est un peu plus lointain cette histoire. Ah oui. Hein, et à vrai dire, on se demande un peu ce que c'est, même si on a une certaine familiarité avec les marchands comme celui que peint Holbein et que nous avons reproduit sur la couverture de ce numéro. Qu'est-ce que c'est que la Hanse finalement ? C'est un peu loin pour nous. Eh bien, assez simplement, la Hanse, à l'origine, au XIIe siècle, ce sont des groupes de marchands qui viennent de Hambourg, de Brême, de Cologne, les villes du nord du Saint-Empire romain germanique, qui parlent la même langue et qui se sentent souvent très isolés, loin de leur base, dans des villes lointaines, et qui vont s'organiser pour faire respecter leurs privilèges et faire fructifier leurs affaires. Ils implantent des comptoirs tout le long des rives de la mer du Nord, de la Baltique, et de Londres à Novgorod. C'est pas rien, hein, c'est plus de 2000 kilomètres. Des comptoirs qui vont devenir des points d'appui d'un actif commerce à longue distance qui n'a absolument rien à envier à ce qui se passe à ce moment-là à peu près, bien plus au sud, entre les rives de la Méditerranée. Mais au nord, la différence, c'est qu'il y a une association de villes, hein, près de 200 villes quand même au XVe siècle. Alors, cette puissance commerciale, on a à peine un peu à se l'imaginer. Elle est capable d'assurer le transit sur des milliers de kilomètres d'énormes cargaisons de laines anglaises, de draps flamands, de céréales, de cire, de miel, des fourrures du marché russe. Et alors, évidemment, il y a le hareng. Hein, on amène jusqu'à Paris des cargaisons, des milliers de tonneaux de hareng de la Baltique. Il est délicieux, il est bien salé, il est calibré dans des tonneaux fabriqués à Rostock. 860 harengs par tonneau. Et ça, chaque marchand, dans chaque ville, appose sa marque de qualité, ce qui est évidemment une histoire qui n'existe pas ailleurs. Ah oui, le hareng... Argent de la mer, c'est articles de ce dossier sur la Hanse, la puissance des marchands allemands dans le magazine L'Histoire. Valérie Hanin, s'il y avait une ville à citer pour la Hanse... Ce serait difficile à citer, mais celle qui a été la tête de la Hanse, la capitale de ce qui est devenu une véritable organisation politique quand même au XIVe siècle, hein, capable de faire plier les rois du Danemark, c'est Lübeck par exemple. Eh bien, nous allons à Lübeck. Nous survolons la ville de Lübeck. La mer Baltique est toute proche, à 20 km environ. Fortement bombardée pendant la dernière guerre, Lübeck conserve cependant de vieilles maisons, d'anciennes portes, signe de la prospérité et de l'importance qu'elle avait au Moyen Âge. C'est l'exemple type d'une ville coloniale. Elle a été créée de toutes pièces au milieu du XIIe siècle, par l'action conjuguée du comte de Holstein, du duc de Saxe et de marchands venant du sud et de l'ouest. L'emplacement a été choisi avec soin dans cette région de peuplement slave. Mais pourquoi nous attarder tant sur cette ville? C'est qu'elle va devenir en une centaine d'années l'animatrice d'une association de marchands allemands. Elle prendra ensuite la tête d'un groupement de villes échelonnées de la Meuse au golfe de Finlande. On en comptera jusqu'à 180 au XVe siècle, dont 70 environ, assez importantes pour l'époque. La mer du Nord et la Baltique sur FR3, c'était en 1980. Valérie Hanin, dans cet extrait, c'est amusant, il y a cette évocation de ville coloniale. C'est vrai que nous sommes dans un territoire slave, il y a des choses à construire en partant de zéro. Il y a une volonté quand même de conquête. Alors celle-là n'est pas militaire, c'est une conquête commerciale. Ça a été parfois vu comme ça et mis au compte évidemment d'un esprit de colonisation allemande, et notamment en allant vers l'Est. On sait que ce sont des Allemands qui ont fondé la ville de Riga, par exemple, en 1201, ce qui crée une communauté. Mais au fond, ce qu'on cherche à mettre en évidence dans ce dossier, c'est un petit peu une autre vision. Une vision beaucoup plus souple, hein, celle que Angela Merkel a voulu reconnaître en inaugurant le musée de la Hanse, un musée européen, à Lübeck, justement, il y a 5-6 ans, en 2015. C'est un peu ce réseau sans frontières, transnational, qui n'est pas au fond une colonisation, mais une organisation commerciale qui nous fait quand même réfléchir aujourd'hui sur ce que peuvent être les relations entre le commerce et la politique. Et nous dit Pierre Monnet, réfléchir aussi à ce que peut-être cette identité, ce que ça a donné au fond jusqu'à maintenant en termes d'identité européenne. Hein, ce réseau de points et de lignes avec cette dorsale qui se crée, cette complicité quand même, enfin cette unité, même architecturale, même architectural. Hein, quand on va au palais des têtes noires à Riga, et on montre dans ce dossier comment ces hautes façades roses, avec des pinacles sculptés, se ressemblent étonnamment. Colonisation, ça n'est plus vraiment comme ça qu'on le voit, mais c'est tout à fait significatif, en effet, qu'il y a une trentaine d'années, c'était plutôt vu comme une affaire de colonisation allemande. Oui, voilà, il y a une lecture différente, mais bon, c'est l'intérêt, parce que l'histoire fait toujours le point sur l'historiographie et pose les vraies questions. Maintenant, comme question, il y a sort, caqué ou bouffi. Ça, c'est la question sur le hareng, mais c'est important de réfléchir. Le grand héros de cette histoire, c'est le hareng, qui est vraiment le poisson magique du Moyen-Âge. Le poisson magique du Moyen-Âge. Et justement, dans cette lecture que nous pouvons avoir de cet ensemble hanséatique, vous l'avez souligné, Valérie Hanin, cela échappe un peu à nos préoccupations. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça, la Hanse? Alors, vous avez vu, nous, dans le cours de l'histoire, nous mettons en avant l'affaire Vaché, un criminel en série, vous mettez en avant la Hanse. Non, mais c'est très intéressant d'étudier ces aspects-là, parce que c'est le lien évident avec l'histoire en tant que telle déjà, l'historiographie, un nouveau regard, et puis surtout le présent. C'est vraiment, moi je l'ai lu comme ça, votre dossier, cette ligne-là de dire, il y a un regard à changer sur cet ensemble de marchands. Peut-être que ça ne fait pas rêver présenté ainsi, mais étudié via le hareng, c'est passionnant. Et oui, c'est ça, on est très loin du fait divers, et c'est vrai qu'on s'attaque là à un sujet apparemment très aride, et le marchand allemand n'est pas une figure forcément très sexy, si vous me permettez l'expression. Eh bien, quand on le regarde sur la couverture du magazine, d'abord, il est assez beau, ce marchand-là, hein, il nous évoque, il évoque tout ce qui viendra chez les Buddenbrook du Lubécois Thomas Mann, hein, c'est vraiment une histoire européenne. Mais derrière, vous avez raison, ce qu'on a cherché, c'est justement une histoire de gens, parce que ces marchands germanophones qui sont en train de se regrouper à Novgorod, au Peterhof, à Riga, à Londres, et qui s'organisent et qui vont être capables quand même à un moment donné de mettre en place avec cette association de villes qui n'existe pas en Italie, puisque en Italie, bien sûr, il y a la puissance de Venise qui peut devenir une puissance politique et militaire, mais là, c'est une association de villes. Et ça nous a évidemment intéressé de comprendre cette géographie. Et cette géographie de l'Europe du Nord, qu'on redécouvre aujourd'hui, alors on ne peut pas voyager, mais on peut rêver, ça n'est pas un hasard peut-être, si aujourd'hui, depuis la chute du mur et du rideau de fer, on redécouvre ces grands espaces, cette solidarité de l'Europe du Nord, jusqu'à Riga. Riga n'avait jamais oublié hein, cette appartenance occidentale. Et ce lien quand même avec une identité européenne, qui est aussi une identité commerciale, mais derrière laquelle il y a évidemment d'infinies histoires de gens. Et puis, une identité qui permet de comprendre l'actualité. Effectivement, quand nous voyons hein, les positions politiques des uns et des autres, on se dit « Ah, mais oui, mais il y a cette mémoire qui est restée. Bah, » Merci beaucoup à vous, Valérie Hanin, de nous avoir présenté la Hanse dans le magazine L'Histoire, dans lequel nous retrouvons aussi cet article consacré à l'affaire Vaché, et dans lequel nous avons d'autres articles, notamment liés au cinéma. Eh bien, écoutez, Anaïs Kien nous en parle. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors vous aussi, vous avez parcouru le dernier numéro de l'Histoire et vous vous êtes arrêté sur un article d'actualité, Les 10 morts du cinéma d'Antoine Debac. Le cinéma n'est vivant qu'à condition de penser sa mort prochaine. C'est l'affirmation d'Antoine Debac dans la rubrique sortie du magazine L'Histoire. Alors que la panique se fait chaque jour plus grande au sein de l'industrie parmi les artistes qui le font et pour les cinéphiles épris des salles obscures, et après déjà 4 mois de fermeture, l'historien se veut pourtant rassurant. Le cinéma se renouvelle au gré des crises qu'il traverse depuis son invention, déjà mort 10 fois. Il est pourtant toujours bien là malgré les portes closes. Mes vedettes préférées. Au cinéma je vais voir le jeune premier qui me plaît. Et quand l'histoire finit bien, j'y retourne le lendemain. En 1897, l'inventeur du cinéma, Louis Lumière, doutait de la pérennité de sa création,